Je t'ai trompé, tu m'as trompé. N'en parlons plus, c'est du passé. On s'est aimé, puis moins aimé. Faut plus le dire, c'est arrivé. On est des gens intelligents qui n'avons pas su être heureux. On s'est tout dit, on s'est menti. Ce soir, essayons d'aller mieux. La solitude, les habitudes, on finira par s'habituer. Naturellement, pour tes parents, ne pas dire toute la vérité. On prendra le même avocat, ce sera le tien si tu veux. Aie complètement confiance en moi, la guerre de toi n'aura pas lieu. On aura les torts partagés, c'est un divorce à l'amitié. Gardons ensemble ce qui ressemble encore au meilleur de nous deux, en espérant qu'avec le temps on oubliera, on ira mieux. On prendra le même avocat, ce sera le tien si tu veux. Aie complètement confiance en moi, la guerre de toi n'aura pas lieu. On aura les torts partagés, c'est un divorce à l'amitié. C'est aimé, puis moins aimé. Faut plus le dire, c'est arrivé. On est des gens intelligents qui n'avons pas su être heureux. On s'est tout dit, on s'est menti. Ce soir, essayons d'aller mieux.